Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François, pour le calendrier des esclavages et des libérations. Vous êtes bien à l'écoute de RGM 107 MHz. Vous pouvez vérifier. Eh oui, 107. Alors, ce soir, eh bien, encore un menu assez varié. On entendra parler Caroline Fiat, qui nous parlera de l'hôpital. Il sera question des cliniques privées aussi. Adrien Quatennens, les CRS Le Gaz, Didier Lockwood, Christine Bourbon, mai 2017. Christine nous a quitté récemment. Eh bien, en son hommage, nous allons réécouter ce qu'elle a dit lors de la campagne de mai 2017. Elle s'était présentée aux élections législatives. Le petit discours qu'elle a fait de courte durée, enfin courte durée mon enregistrement est de courte durée, sur l'hôpital en général, hein, sur les hôpitaux, celui de Remiremont, celui d'Épinal et les autres, et voilà. Et puis on entendra aussi des amis à elle, des amis de nos amis, qui chantent à sa mémoire une chanson révolutionnaire italienne, Bella Ciao. Bella Ciao, que vous avez déjà entendu sur cette antenne, parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, une chanson révolutionnaire très entraînante. Alors, Jean-Luc Mélenchon, discours de la Convention. Ensuite, Camille Cazan nous jouera les quatre saisons de Vivaldi. Les Républicains espagnols dans la libération de Paris. Et oui, parce que les premiers chars qui sont arrivés à Paris étaient des chars français de la division Leclerc, mais qui étaient pilotés par des républicains espagnols. Et oui, vous voyez, il y avait beaucoup de gens qui venaient aider la France à se libérer. Et oui, sans eux. Ensuite on entendra la chanson, une chanson des républicains espagnols, No Pasaran. C'était quasiment l'hymne des républicains espagnols qui se battaient contre les fascistes, les putas de fascistes, disait l'autre, à propos des Italiens, de certains Italiens. Ah oui, j'ai fréquenté des gens dans le bâtiment qui m'ont raconté des choses, hein. Eh oui. Alors ensuite, Barbie. Bien sûr, si on parle du fascisme, si on parle des fascistes, on parle de Barbie, Klaus Barbie, celui qui a arrêté Jean Moulin, qui est responsable de plusieurs milliers de morts par déportation, qui a torturé des gens, qui a fait fusiller, pendre, interner en camp de concentration, etc. Beaucoup de gens, des résistants, des communistes, des juifs, des francs-maçons. Bon, voilà. Alors Barbie à Bolivie, Jean Ferrat nous chantera Nuit et brouillard. Le média, Jean-Luc Mélenchon remet les pendules à l'heure. La revue de presse. Et puis, voilà. Et bien entendu, voilà, le calendrier des esclavages et des libérations. Calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 8 juillet? Eh bien, le 8 juillet 1890 en France, les mineurs obtiennent des délégués à la sécurité, élus pour 3 ans et ayant droit à un suppléant. 1920, Brésil. Ce jeudi à 22h, à l'infirmerie de la prison, le docker Pedro Beza, militant ouvrier, succombe aux blessures de la fusillade de l'avant-veille. 1940, Japon. La Fédération Générale Japonaise du Travail est dissoute. 1942, France. En zone occupée, les locaux publics sont interdits aux Juifs, ainsi que les magasins, sauf pendant 1 heure l'après-midi. 1955, France. À Oumécourt, le patronat de la sidérurgie capitule et accorde satisfaction aux ouvriers qui reprennent le travail dans la journée. Mais ce même jour, les mineurs de fer de Brillé débrayent. 1962, Égypte. Au Caire, réunion de 31 pays sous-développés pour une conférence économique. Ils adoptent une déclaration demandant l'aide économique des pays développés. 1979, Chine. La République populaire de Chine ouvre ses portes au capitalisme. Un texte de loi très libéral sur les entreprises mixtes permet aux capitaux d'affluer et garantit les intérêts des investisseurs étrangers. Est-ce la fin d'une expérience de société originale dans l'histoire de l'humanité, avec un H à humanité, point d'interrogation. 1983, Brésil. Le ministère du Travail décide l'occupation des sièges des syndicats de São Bernardo et de ceux des ouvriers du pétrole de l'État de Bahia. 1983, France. Une loi libéralise le statut des objecteurs de conscience. La commission chargée d'examiner à la loupe les motivations des objecteurs est supprimée. Il suffit d'écrire au ministre de la Défense le délit de publicité qui interdisait toute information publique sur l'objection de conscience est supprimé. Mais le temps de service civil reste maintenu à 24 mois. La parole est à Madame Caroline Fiat. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Alors qu'une manifestation Marée Blanche réunissait hier à Paris plus de 600 personnels pour dénoncer les conditions de travail et le manque de moyens à l'hôpital public. Parlons du manque de moyens quand le rapport Oxfam sur le CAC 40 vient mettre en lumière que les entreprises françaises ont reversé près de 67% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Quand la fraude et l'évasion fiscale dépassent les 60 milliards d'euros. Quand cette année, c'est 1,6 milliard d'euros d'économies qui sont demandées aux établissements de santé et que nous venons de prendre connaissance d'une note où vous demandez encore 960 millions d'économies aux établissements. quand enfin nous apprenons depuis les États-Unis la fin de l'exit tax de la bouche de notre président, soit une perte de 850 millions d'euros. Alors que le dit président expliquait sans sourciller il y a quelques dizaines de jours à une soignante du CHU de Rouen qu'il n'y a pas d'argent magique. Nous dirons donc que la magie opère plus pour certains que pour d'autres. En attendant, notre système de santé se classe seulement au 15e rang mondial porté par les choix éclairés des différents plans santé. Le dernier plan hôpital dit stratégie de transformation du système de santé demeure dans le sillage de la logique de l'hôpital entreprise. Il est urgent d'entendre et de respecter les soignants et les patients en mettant un terme à l'austérité dans la gestion des structures de santé et tout particulièrement de stopper cette maltraitance institutionnelle. Il est désormais nécessaire de rendre l'hôpital sa dignité. L'hôpital doit rester un lieu où l'on soigne l'humain, pas la finance. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande une fois encore, quels moyens concrets entendez-vous mettre en œuvre sans tout miser sur la télémédecine pour redonner à l'hôpital sa fierté de grand service public garant de l'intérêt général ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Fiat, vous m'interpellez sur les moyens hospitaliers. Nous avons, je pense, le même souhait, celui de maintenir une fonction publique hospitalière et un service public hospitalier de qualité, à la hauteur des attentes des Français. C'est notre bien commun. La sécurité sociale est notamment... La santé est consubstantielle à l'identité française. Il est important donc de redonner à l'hôpital public aujourd'hui l'espoir dans la confiance que nous lui faisons. Alors il n'y a pas de réduction des moyens, contrairement à ce que vous dites. Il n'y a qu'une augmentation des moyens aujourd'hui, puisque l'ONDAM, c'est-à-dire le vote du budget que nous avons voté, notamment pour les hôpitaux publics, est le plus important depuis 4 ans. Il est de 2,3% pour l'ensemble de l'ONDAM et de 2,2% pour l'ONDAM hospitalier. Cela fait une augmentation du budget de 1,5 milliard d'euros pour cette année, 3,6 milliards d'euros pour les 3 années qui viennent. Il n'y a donc pas d'économie sur l'hôpital et la fonction publique hospitalière ne cesse de progresser de 1,5% par an depuis des dizaines d'années. Donc nous avons le souhait aujourd'hui de réorganiser l'hôpital, de réorganiser les ressources humaines à l'hôpital pour redonner de l'espoir aux soignants. Notre objectif, c'est de rendre confiance aux Français dans l'outil qu'est l'hôpital public et de redonner confiance aux soignants dans leur mission qui est la leur, qui est de donner du sens et de l'humanité à leur mission. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. L'Agence régionale de santé est en train de donner des subventions à des cliniques privées, de construire des cliniques privées sur Amiens, alors qu'on a eu 4 fermetures de services ces 20 dernières années à Pinel. Franchement, c'est dur. On voit des gens qui sont morts, quoi. Enfin, je veux dire, qui ont été détruits par la vie. Et qui ont 20 ans, 25 ans, qui sont devenus, qui ont l'air de zombies. Ce qui veut dire qu'on a un sujet de société qui concerne un Français sur 5, environ, et sur lequel il n'y a aucune, information d'intérêt général. Parce que là, on parle de 12 millions de personnes liées à des familles. Liés donc à des médecins qui souffrent aussi, à des soignants qui souffrent aussi. Donc on parle finalement de presque toute la France. Enfin, je pense que pour le cas, quasiment tout le monde est touché. Dans sa famille, on a tous quelqu'un qui est touché par un problème de cet ordre-là. Et on est en train de foutre en l'air l'hôpital psychiatrique. Et je pense que l'hôpital psychiatrique public, il doit avoir les moyens aujourd'hui de soigner. Parce qu'on parle de 12 millions de personnes quand même qui sont atteintes par des troubles d'ordre psychiatrique ou psychologique. Et on est loin aujourd'hui d'être dans la prévention, on est dans une politique d'urgence. Ça, c'est ce qui est dit à la fois par les patients, par les familles et par les soignants. J'ai appris que les gens qui faisaient cette lutte et que je croisais régulièrement en allant à Pinel, parce que je suis en hôpital de jour, ce qui veut dire en ambulatoire, ça veut dire qu'on... On vient à l'hôpital, mais seulement sur rendez-vous. On n'est pas... vous voyez, c'est l'armée pas. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on appelle ça hôpital de jour. Et du coup, d'ailleurs, ce service est menacé. C'est aussi pour ça que, au-delà du fait que je sois convaincu qu'on ait besoin d'un hôpital public, peu importe qu'il soit psychiatrique ou pas, Je suis aussi concerné fortement par, par la baisse de ces budgets et surtout par les fermetures de ces services. Parce que là, actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Agence régionale de santé, qui est quand même la main directrice de l'État au niveau du budget de la santé sur notre région, est en train de donner des subventions à des cliniques privées, de construire des cliniques privées sur Amiens, alors qu'on a eu 4 fermetures de services ces 20 dernières années à Pinel. Donc, ce qui veut dire que l'État, avec l'argent public, finance des cliniques privées et finalement enlève de l'argent aux hôpitaux publics. L'article 60 de la nouvelle loi a été une véritable pomme de discorde entre professionnels et départements de tutelle. Pour le ministre de la Santé, le nouveau texte va contribuer à faire disparaître les pratiques encore malsaines et à démocratiser l'offre sanitaire, car son ministère ne peut pas à lui seul continuer à financer les besoins croissants de santé d'une population de plus en plus nombreuse et exigeante. Cette nouvelle loi va rapprocher l'offre sanitaire des citoyens. Elle va aussi créer de nouveaux emplois en raison de la multiplication des cliniques. Elle va aussi instaurer une sorte de transparence en interdisant les chèques en blanc donnés comme garantie. Les pourfendeurs du projet, quant à eux, dénoncent la nouvelle loi qui risque, selon eux, de mercantiliser la médecine. Ainsi, en dépit de l'obligation de créer des comités scientifiques qui décident des actes à effectuer, le risque demeure plus que jamais de voir un capitalisme sauvage s'installer. Les investisseurs cherchent à gagner de l'argent, ce qui va peut-être les pousser à choisir de soigner des patients qui ont des maladies dont le soin est plus lucratif. Le plus important pour nous, c'est que l'investisseur ne doit pas empiéter sur les décisions médicales. Enfin, les médecins attirent l'attention sur la nécessité d'établir des garde-fous, comme ce qui se passe en Europe, où il est interdit à certains secteurs d'investir dans les cliniques, comme par exemple les fabricants de consommables, les laboratoires pharmaceutiques et même les assurances. Thank you. Et puis, il a dit qu'il avait été en quelque sorte stupéfait qu'on lui demande de dégager. Lui, le théoricien du dégagisme, sincèrement, vous ne pensez pas que si par exemple Emmanuel Macron avait fait 6%, il lui aurait demandé de dégager? Bon, d'abord, je récuse le terme de numéro 2, permettez-le. Bon, d'accord, parce que, non, mais parce que ça a du sens. Parce que voilà, en l'occurrence, à la France insoumise, ce sont les tâches que vous prenez en charge qui préfigurent des postes et non pas l'inverse, si vous voulez. On va revenir sur la démocratie interne. Nous faisons un mouvement et pas un parti. Et à l'heure où on se parle par ailleurs, les travaux que nous avons eus ce week-end sont en cours de validation par transmission au vote à l'ensemble des insoumis. Je tiens à le dire quand même. Ça n'a pas convaincu un certain nombre de vos militants et qui sont partis, qui ont annoncé qu'ils quittaient la France insoumise hier parce qu'ils dénonçaient la virulence de Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez, on peut s'arrêter un instant là-dessus rapidement parce que ce week-end, nous avons eu vocation surtout à répondre à toutes les attentes et tous les manquements organisationnels qui s'étaient présentés. C'est vrai, la France insoumise a été pensée et créée d'abord, souvenez-vous-en, comme un outil au service d'une candidature à la présidentielle, puis comme un outil qui servait à coélaborer un programme, puis ensuite comme un outil très souple, un mouvement politique, dans lequel, sur cette base, tout le monde peut se rejoindre pour agir. Et c'est vrai qu'il y avait des manquements en termes d'organisation. Alors bien sûr, il y a ceux qui sont arrivés ce week-end, une stricte minorité, convaincu que quoi que nous ferions, il fallait repartir d'une page blanche, comme si tout ce que nous avions fait depuis 2016 ne servait à rien. Mais il y avait tous les autres, et moi c'est ceux qui m'intéressaient plus particulièrement, qui voyaient, excusez-moi un instant, les limites de notre organisation, et à qui sur plein de points qui n'intéresseront pas vos téléspectateurs, mais extrêmement détaillés de l'organisation, nous avons répondu ce week-end. Voilà ce que je veux dire. Nous ouvrons des chantiers, en quelque sorte, pour assumer cette forme évolutive d'un mouvement qui s'adapte à la situation politique. Mais ce sont des mots. Non. La réalité, non, c'est ce que. Sont... Mais non, alors, mais la ce réalité, c'est que ce que ressentent un certain nombre de gens, c'est que bah, quand ils demandent, par exemple, une assemblée constituante pour parler, bah, vous qui avez proposé une assemblée constituante dans votre programme de présidentiel, bah, vous refusez de le faire à l'intérieur du mouvement. Vous m'excuserez, juste un instant de considérer que tout ça ne passionne pas vos téléspectateurs, mais puisque vous m'interrogez, laissez-moi vous répondre pour vous dire que celles et ceux qui désiraient, par exemple, enfin que les groupes d'action puissent se coordonner, les groupes d'action, c'est... pardon pour les téléspectateurs, la cellule de base qui permet de rejoindre la France insoumise pour agir. Souhaiter qu'il y ait un cadre de coordination de ces groupes d'action. Il va y avoir une assemblée tous les trimestres, tirée au sort des animateurs de groupes d'action. Il y avait des questions en termes de comment on finance nos actions, parce que comme nous ne sommes pas un parti, nous n'avons pas de cotisation, donc comment on finance l'action? Nous avons répondu à ces questions. Nous ouvrons des chantiers pour répondre aux militants qui veulent juste, Rutel-Krieff, avoir les conditions de militer pendant. Mais les quelques autres ont parfois aussi, il faut le dire, un agenda politique extérieur qui fait que quoi que nous annoncions, de toute façon, leurs conclusions en seraient les mêmes. Vous parlez de quelques départs, mais est-ce que vous êtes ému du fait que depuis samedi, par exemple, 100 insoumis ont rejoint la plateforme, qu'une dizaine de nouveaux groupes d'action, donc des gens qui n'ont pas fait que cliquer mais qui s'impliquent, décident de passer à l'action? Ça, bizarrement, ça n'intéresse personne. Alors, si vous voulez en ce moment avoir la faveur des médias et avoir une petite carrière d'une semaine, faites un post Facebook pour dire que vous quittez la France insoumise, vous aurez des articles de presse. Par contre, quand vous la rejoignez, vous êtes plus nombreux que ceux qui partent. Faire un post Facebook, eh bien, on allez-y, l'aura remarqué faites-le aussi. Et montrez ce que vous faites. Racontez-nous, expliquez-nous à quoi, quel va être le rôle de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on comprend, c'est que dans le fond, il vous nomme, c'est ce que conteste. C'est une proposition que nous faisons, puisque maintenant tout ça, toute l'organisation est au vote. Bon, oui, en quelque sorte. Allons-y. Il vous nomme pour le parti. Il le propose pour le mouvement. Ce ne sont pas que des mots. Mais non, j'insiste, parce que l'objet que nous faisons est neuf. Mais oui, mais non, mais la République en marche aussi, c'est un mouvement, mais etc. Tout à fait. Donc, mais c'est vrai, Rutel-Krieff. Mais oui. C'est un changement de référentiel. D'accord. Donc vous aussi changez votre grille d'analyse. Ne vous inquiétez pas pour moi. Alors, simplement, il vous propose de coordonner le mouvement. Il propose à Mathilde Panot d'être vice-présidente du groupe. Et en quelque sorte, vous allez gérer les affaires courantes. Et lui, il se réserve, en quelque sorte, pour la présidentielle, c'est ça? C'est comme ça qu'il le comprend? Non, je crois d'abord et avant tout qu'il reprécise le rôle qui est le sien. Enfin, j'imagine que vous êtes au courant, Jean-Luc Mélenchon, ça fait déjà un moment, en vérité, qu'il se tient plutôt à l'écart des aspects très organisationnels de fonctionnement. Voilà, le rôle qui est le sien, c'est celui de l'intellectuel, finalement, qui a ouvert la voie, qui a porté notre campagne présidentielle, donc qui a fondé le mouvement et la pensée, avec d'autres, bien sûr, et qui a surtout porté ce programme L'Avenir en commun, assez près des portes du pouvoir, bien sûr. Avec 7 millions de personnes qui se sont regroupées autour de ce programme. Et moi, je vous dis une chose, depuis que je fais l'analyse de ce qui nous est arrivé aux élections européennes et que je vois notamment, sans minimiser le résultat, que le phénomène est européen et pas exclusivement français, je considère qu'en rien l'élection européenne et son résultat n'annulent notre succès de la présidentielle. Pour autant, il nous faut, c'est vrai, nous interroger sur ce qui a manqué pour faire que celles et ceux qui avaient voté avec nous en 2017 n'y reviennent en 2019. Et moi, mon avis, c'est que l'essentiel de ce que doit faire la France insoumise dans la période est de s'adresser à ceux qui s'éloignent durablement de la vie politique. Moi, j'en croise plein rue Tel-Krief depuis 15 jours. Je les interroge, ils sont même pas au courant que vient de se tenir une élection dans notre pays. Et quand ils sont au courant, ils ne savent même pas que la France insoumise a pris un revers électoral. C'est-à-dire que vous et moi, les militants et les commentateurs, nous avons, les journalistes, nous avons l'œil sur la loupe. Mais le vrai problème que nous avons, c'est que finalement la vie politique, la vie médiatique se resserre dans un cadre extrêmement circonscrit. Et ça, c'est un problème que personne ne s'emploie à régler. La citoyenneté, c'est un problème très important. Eh bien, la France insoumise, sa particularité, sa singularité, c'est de pointer ce problème, de dire que la loi est consentie par tous si elle est votée par tous. Et que quand un citoyen sur deux décide, parce que souvent il le décide, de ne plus y aller, c'est qu'il y a un problème auquel il faut véritablement s'emparer. J'ai une dernière question, elle concerne un sujet d'actualité. Dimanche dernier, 7 femmes accompagnées de militants associatifs ont voulu se baigner en burkini dans une piscine de Grenoble. Et elle proteste contre les règlements des piscines qu'elle juge discriminatoires. Marlène Schiappa a protesté, a répondu aujourd'hui. Elle a dit que c'était une revendication communautaire qui n'avait pas lieu d'être et que dans la réalité, ce n'est pas vrai qu'il y a des millions de femmes en France qui souhaitent se baigner en burkini. Est-ce qu'il faut autoriser le burkini à la piscine ? Est-ce que le communautarisme vous inquiète ? Est-ce que les prochaines élections municipales ne vont pas donner lieu à des listes communautaristes et qui peuvent poser un problème au règlement, aux lois de la République? Franchement, Ruth Elkrief, je forme le vœu que nos débats puissent être plus à la hauteur du moment que ceux de savoir s'il faut faire ou pas la police du vêtement. Maintenant, je vais vous dire une chose, dans une piscine comme ailleurs, je veux dire... Vous approuvez cette opération? Non, non, pas du tout, c'est pas ce que je vous dis, au contraire, laissez-moi préciser ma pensée. Voilà. Est-ce que vous la désapprouvez? Ce que je veux vous dire très clairement, c'est qu'il y a des règles, par exemple, vous n'avez pas droit, si vous le souhaitez, de sortir toute nue dans la rue, moi non plus. Parce qu'il y a des règles pour ça. De la même manière, dans une piscine municipale, il y a des règlements intérieurs. Parfois, on vous oblige de porter un bonnet. Des fois, on vous interdit le short de bain. Bah, ce règlement doit être autorisé. Et des femmes, par ailleurs, ou même des hommes, parce qu'on parle spécifiquement des femmes, par exemple, ne peuvent pas avoir le droit de porter une combinaison de plongée au milieu de la piscine. Mmh. Donc, c'est d'abord un problème de règlement intérieur, parce que... Vous savez bien que c'est pas que ça. Non, mais alors, bon, par ailleurs... Pour vous, c'est pas un message ailleurs, politique. Non, mais par ailleurs, évidemment, je vous le dis très clairement qu'il y a une provocation, parce que le burkini est aussi une caractéristique d'un intégrisme religieux. Enfin, je ne sais pas quels sont vos amis, Ruth Elkrief, mais moi, parmi les amis que j'ai qui sont musulmans, très franchement, leur conviction philosophique et leurs préoccupations ne se portent pas sur la taille d'un tissu pour aller à la piscine, voyez-vous ce que je veux dire? Donc, bien évidemment qu'il y a une provocation. Et l'idée, d'ailleurs, c'est même plutôt de pas donc tomber dedans. Donc, vous la dénoncez? Évidemment que je la dénonce. Mais vaut mieux pas tomber non plus dans le travers que cela suppose, parce qu'il y a un affrontement du coup qui se fait entre d'un côté cette provocation communautaire et de l'autre côté ce qui se part derrière le principe de laïcité pour dire qu'il y aura un problème. Mais Ruth Elkrief, jusqu'à preuve du contraire, la laïcité c'est la séparation des églises et de l'État, c'est le fait qu'on ne finance pas le culte en France, mais la laïcité ne régit pas ce que doivent porter des usagers d'un service public. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc, quelle est votre position à la fois? Ben, parce position, que ça a été un de vos problèmes à la France est claire. Insoumise. Non, mais elle n'est pas claire. Quelle est ma position sur quoi? Quelle est ma position sur quoi? Sur la laïcité? Non, sur le risque communautariste. Mais je vous dis que c'est une provocation. Et que je pense que ça a le mérite d'être très clair et que le règlement intérieur doit être respecté. Mais pour le reste, s'il vous plaît, enfin, 60% des Français ne se reconnaissent aucune religion. Si on pouvait éviter que la majeure partie de nos débats politiques, y compris, vous avez parlé des municipales, ne soient occupés à ces questions de religion, je crois que cette majorité de Français en serait bien heureux. Après, pour le reste, évidemment qu'il faut travailler à la question parce que on ne peut pas tolérer ce genre de provocation. Merci beaucoup, merci. Un des slogans, c'était « Doucement, on fait ça pour vos enfants ». Alors les CRS ont-ils fait un usage disproportionné de la force? Pour les policiers, la procédure a été respectée. La manifestation n'était pas autorisée et les gazeuses utilisées sont les moins puissantes de leur arsenal. On a utilisé finalement que des aérosols lacrymogènes. Et vous voyez d'ailleurs, les collègues, lorsqu'ils tentent de démêler les bras, il n'y a pas d'action violente, il n'y a pas de coups qui sont portés, il y a eu juste l'usage des aérosols incommodants pour faire partir ces personnes qui avaient vraiment décidé de prendre des risques en occupant notamment la chaussée. Alors qui est le groupe Extinction et Rébellion à l'origine de cette manifestation? Pour le journaliste qui a tourné ces images, il s'agit d'un mouvement pacifiste qui s'inspire de Greenpeace, notamment pour attirer l'attention des médias. Les journalistes sont prévenus avant que l'action démarre. Il y a une stratégie de communication pour avoir des images qui vont faire parler d'eux. Et en parlant de l'association, eh ben, on va parler d'écologie, de climat et des termes qui leur sont chers. Donc là, ils ont réussi leur coup, en fait. Ah oui, complètement. Ce soir, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire qui a été confiée à l'IGPN, la police des polices. Même si souvent à l'hôpital on me dit Madame Bourbon, votre obligation de réserve, mais ici je ne suis pas en service. Je voulais que tout le monde sache que le CICE, les hôpitaux privés en bénéficient, la ligne bleue 400 000 euros par an et l'hôpital de Remiremont rien. Cherchez l'erreur. Je voulais aussi vous dire que certains directeurs d'établissements publics, d'hôpitaux, font du zèle et proposent des mesures encore plus drastiques et des plans de retour à l'équilibre encore plus drastiques que ce que leur demande l'ARS. Et pourquoi? Parce que leur salaire en dépend, leur prime, leur carrière. Donc ils ont tout intérêt à obéir aux ordres des ARS parce que c'est leurs propres goyotes qui en dépendent. Plus ils mutualisent les services, plus ils mettent dehors du personnel, plus ils ferment de lits, et plus ils s'enrichissent. L'hôpital, sur place, ce sont bien des spécialistes et des salariés qui travaillent dans les services et pas des politiques. Je défends la maternité de Remiremont et celle d'Épinal. Il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul, parce qu'à ce petit jeu, il y en aura toujours un des deux qui sera tout nu. Il ne faut surtout pas que les petits se battent entre eux pendant que les gros se marrent. Quitte à ce que cela explose, il faut que cela soit tourné contre les vrais responsables, les directeurs des ARS, les directeurs d'établissements, collaborateurs et les hommes et femmes politiques complices qui votent, qui ont voté et qui voteront cette mise à mort du service public. Nous devrons lutter contre tous les plans de restructuration et pas hôpital par hôpital, service par service. La liste des hôpitaux attaqués, organisés, des services fermés en France s'allonge sans cesse. Nous gagnerons tous ensemble ou nous perdrons tous. Nous ne gagnerons jamais chacun de notre côté. Il faut donc supprimer les GHT, supprimer les ARS coûteuses pour vous tous et qui n'apportent rien à personne. Bien au contraire, puisqu'il s'agit seulement de rémunérer de hauts fonctionnaires sans aucun service rendu à la population. Je vous ai apporté, vous pourrez le trouver sur Internet gratuitement, le programme pour la santé de la France insoumise. Voilà. Merci. Pour un député qui proposerait et votera des lois en faveur du système public hospitalier, qui votera avec intelligence le budget de la sécurité sociale, ce sera votre meilleure chance de maintenir cette si belle, si performante et si proche maternité. Une présidentielle, une législative et une européenne d'où nous ressortons adossés sur le souvenir dynamique, entraînant et sur l'affection qui s'est encore constatée à Belfort parmi le peuple des salariés et des braves gens qui défendaient leur usine. Capital précieux. Qu'aucun dénigrement, aucune insulte, aucune campagne n'a atteint. Car entre nous, on sait se reconnaître. Et beaucoup ont vu ce qu'ont été la souffrance de cette campagne interminable pour nous flétrir, nous humilier, nous insulter, réduire tout ce que nous sommes à quelques petites aventures qui occupent deux ou trois lignes dans un coin de page. Voyez-vous, en si peu de temps, une force politique est née. Elle a un programme et il vit. Elle a une organisation, le mouvement des Insoumis, et il vit. Il a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Il a deux sénateurs. Il a six députés européens. Une force est là, c'est un point d'appui. Et rien, en tout cas, aucune simagrée, aucune autoflagellation de convenance, tant à la mode dans la vieille gauche officielle mondaine, ne viendra jamais abattre. Bon, ben voilà, l'essentiel est dit, non ? Parlera-t-il ? Mais j'ai parlé à l'Assemblée nationale, à la tribune, ce qui est bien normal pour un tribun. Mais c'est de là que vient le mot. Figurez-vous que si ma personne est sacrée comme celle de tous ceux qui sont dans la salle à l'Assemblée nationale, c'est du fait des tribuns du peuple qui, depuis 492 avant notre ère, ont conquis le droit important de ne pas se contenter d'avoir le droit d'être d'accord avec le pouvoir, mais d'être en désaccord. Voilà d'où vient l'origine de la fonction des tribuns. Et je suis fier d'être votre tribun, parmi d'autres, hein. Au moins parmi les 17, au moins parmi les 6, et ainsi de suite. Mes amis, c'est notre devoir de nous opposer. vouloir tout changer, comme c'est notre objectif, comme c'est le contenu du programme L'Avenir en commun. C'était hier une option philosophique, une manière de voir la vie, un regard sur le monde et les relations aux autres. Depuis, ce que nous savons sur l'avancée de la catastrophe climatique, c'est un impératif catégorique. Depuis, ce que nous avons pu observer de l'agressivité incroyable des États-Unis d'Amérique qui, il y a à peine 2 jours, ont failli mener le monde à la guerre totale, c'est devenu un impératif catégorique. Depuis que nous savons qu'une petite poignée s'empare de toutes les richesses, nonobstant toutes les souffrances, l'accumulation de toutes les frustrations, ce qui était une vision du monde est devenu un impératif catégorique. Si l'on veut qu'il y ait une suite à la civilisation humaine, parce que c'est ça qui est en jeu en ce moment. Ce n'est pas seulement une idée, c'est l'avenir de la civilisation humaine. Bon, alors là-dessus, contrairement à ce que nous espérions, alors que nous avons mené une bataille si extraordinaire, dont je veux encore une fois remercier les 16 camarades qui l'ont conduite en se réunissant toutes les semaines pour diriger cette campagne autour de Manon Oubry, et en pensant à ces centaines d'amis qui partout, par milliers même, ont organisé tant et tant de réunions, fait tant et tant de porte à porte. Oui, alors je suis triste que ça n'ait pas donné ce qu'on en attendait. Et nous, qui sommes à la suite de Jean Jaurès concentrés sur l'idée qu'il n'y a au fond peut-être qu'une seule question politique qui soit posée à la société, c'est celle de la souveraineté politique du peuple. Oui, c'est cruel, c'est douloureux quand on ne voit pas venir à la rescousse ceux pour lesquels on se bat. Oui, c'est cruel et c'est douloureux. Mais ça ne nous fait changer en rien dans le choix fondamental que nous avons fait de vers qui nous tournons, pour qui nous parlons, parce que c'est notre devoir de le faire. J'ai évoqué la figure de Sisyphe, vous savez, en rappelant ce beau texte de Camus. Quand il dit à la fin, il faut imaginer Sisyphe heureux, en effet, il faut imaginer, parce que Sisyphe avait volé le secret des dieux, et il prétendait l'enseigner aux êtres humains, raison pour laquelle il a été condamné par les dieux, mais surtout par le plus terrible d'entre eux, Hadès, le dieu de la mort. Comme si, en définitive, la mort elle-même pouvait, à un moment donné, quand il n'y avait plus aucun recours, vaincre l'insoumission de celui qui a décidé de ne pas être d'accord et de le répandre. Eh bien, même Hadès n'en est pas venu à bout. Sisyphe a été condamné à remonter le rocher qui roule ensuite jusqu'en bas. Alors c'est vrai, quand c'est en haut, c'est mieux. Quand c'est en bas, on fait avec. Et comme je l'ai dit, suivant une vieille formule, les hauts, je les méprise, les bas, je les reprise. Ça fait partie de notre vie. C'est comme ça. Et oui, ça vaut la peine de dire que Sisyphe est heureux. Car ce qui donne un sens à l'existence elle-même, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie collective, c'est l'effort que nous faisons pour dépasser le moment qui nous enferme, la condition qui nous enferme, les relations qui nous enferment, les faire éclater pour aller plus loin dans l'accomplissement de notre propre humanité. Alors oui, l'insoumission est le sel de l'existence. Elle est son moteur, sa raison d'être, au-delà même de l'organisation politique qui porte aujourd'hui ce nom. Et ce mouvement restera un mouvement. Il ne peut pas être un parti politique. Que ceux qui aspirent au retour des délices de la bataille pour les virgules, des plateformes où les meilleurs amis s'entregorgent dans les couloirs, eh bien, ils se sont trompés d'adresse, je ne leur en veux pas. Ces plaisirs sont disponibles à d'autres endroits. Pas ici, ni maintenant, ni demain, jamais. Pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que c'est un caprice personnel? Après tout, j'aurais bien droit, non? C'est quand même moi qui ai fondé la boutique avec quelques autres. Mais c'est pas ça le sujet. C'est que le mouvement insoumis est composé de vagues successives de gens qui l'ont rejoint. Pas tous dans les mêmes conditions. Au début, c'était ceux qui appuyaient ma candidature, puis ceux qui rejoignaient le programme des Insoumis. Enfin, ceux qui rejoignaient le mouvement insoumis. Et depuis la fin des élections présidentielles, à la cadence de 1000 personnes par mois qui rejoignent ce mouvement, dont certes, quelques-uns s'en vont, mais pourquoi pas, la porte bat dans les deux sens. Plutôt du côté de l'entrée que de la sortie. Des fois, je le regrette. Mais enfin, il est donc impossible d'homogénéiser de force des gens qui n'ont pas rejoint la France insoumise pour participer à ce type de bataille. Ça ne les intéresse pas. Et puis, nous avons dans la France insoumise différents partis qui nous appuient, organisations, clubs, les communistes insoumis, les rassemblements insoumis, le parti de gauche, la gauche républicaine et socialiste. Et alors, nous voterions des textes qui s'imposeraient à des partis qui ne sont pas les nôtres. Mais on leur dirait, venez, en plus on fixe la doctrine. Non, ce n'est pas possible. C'est donc, et ce sera toujours, une organisation composite nécessairement évolutive qui se fait sous vos yeux, qui se fabrique non pour elle-même. Le but des insoumis n'est pas de coller une étiquette insoumis partout. C'est d'être au service de l'auto-organisation populaire. Parce que la révolution citoyenne, sans laquelle aucun avenir n'est possible pour la patrie des Français, nécessite que les Français s'en mêlent tous. Donc chaque élection, chaque occasion, pour nous, notre devoir de serviteur du peuple est d'aider à faire progresser la conscience collective pour que les gens se mêlent de leurs propres affaires. Pas pour qu'on pense à leur place, pas pour qu'on agisse à leur place, ni qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Bon, tout ça vous le savez, mais j'estime indispensable de le rappeler à intervalles réguliers. J'espère que vous sentez la force allusive de mon propos, puisque je dois être la seule personne que tout le monde a le pouvoir de critiquer et d'insulter, le seul ami que l'on peut trahir en une nuit sans un SMS de préavis, mais si jamais je réplique, alors on voit mon caractère brutal et on peut montrer du doigt mes méthodes impératives. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne crois pas que nous puissions faire moins que la liberté. Et c'est parce que nous l'aimons que nous faisons cette forme de mouvement. Je ne crois pas que nous soyons moins qu'une organisation qui pratique l'égalité entre tous. Mais en tout cas, ce dont je suis certain, c'est qu'on ne fait rien vivre de durable dans la difficulté qui est la nôtre. On ne fait rien vivre sans fraternité. Et la fraternité est un devoir individuel à l'égard de tous les autres, et peut-être aussi à mon égard. Alors, et pour en finir avec ce chapitre, je suis consterné par le nombrilisme de certaines critiques. Alors, dans une sorte de toute puissance puérile, si nous avons rencontré des difficultés, ce serait entièrement de notre faute parce que nous n'avons pas coché la bonne case dans le QCM, parce que je ne suis pas assez poli, parce que l'autre est trop ceci, l'autre... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous sommes dans une arène, pas dans un concours, pas dans un examen. Une arène? Alors quoi? L'ennemi ne s'est pas mobilisé? Il ne nous a pas accablés pendant des mois? Il ne nous a pas infligé des persécutions judiciaires et policières comme personne d'autre que nous n'a eu à subir dans ce pays? Il ne l'a pas fait à l'imitation de ce qui s'est fait au Brésil pour abattre Dilma Rousseff et ensuite Lula dans des accusations sans preuve, comme contre nous. Ils ne l'ont pas fait comme ils l'ont fait contre Rafael Correa avec 25 inculpations pénales. Oui, la méthode de l'abus et de l'instrumentalisation de la justice et de la police est répandue partout dans l'univers contre les opposants de notre variété. Contre ceux qui veulent tout changer. En êtes-vous surpris? Vous attendiez à quoi? Des compliments? Qu'ils vous remercient? Qu'ils vous félicitent pour vos bonnes idées? Ils savent à quoi nous nous attaquons. 5% de ceux qui possèdent tout dans ce pays possèdent autant que 30%. Ils sont infiniment riches. Ils ont tout à leur service. Ils ont acheté la presse et les consciences qui vont avec. Ils font les carrières et les défont. Et vous croyez qu'ils vont vous complimenter? Vous remerciez pour vos brillantes trouvailles? Non, c'est une lutte implacable, dans laquelle tous les coups ont été permis. Alors d'abord, on nous a attribué toutes les violences des gilets jaunes. Mais pour nous, la plus grande des violences que nous avons observées, c'est quand nous avons demandé une minute de silence à la mémoire des personnes mortes dans cette affaire, et que nous avons vu toute l'Assemblée se lever, tous les bancs, et le gouvernement rester assis pour montrer que les blessures qu'il a infligées à 22 personnes qu'il a éborgnées, à la personne qui est morte à Marseille, à ceux qui ont eu les mains arrachées, à ces milliers de gens qui ont été jugés à la chaîne jusqu'à 4h, 5h, 6h du matin pour répandre la peur partout, que ce gouvernement assumait cette violence, la violence de sa dérive autoritaire. Il l'assumait, tenez-vous-le pour dit, aucun coup ne vous sera épargné. Et hier encore à Belfort, je croisais ces bisontins qui me racontaient comment ils ont été arrêtés dans des halls d'immeubles alors qu'ils se préparaient à aller à une manifestation. Ils manifestaient même pas. Ils n'avaient même pas de gilets jaunes encore sur eux. Tous ramassés, tous au bloc, tous une amende, 65 euros. C'est une somme considérable pour toutes sortes de braves gens que 65 euros. Alors nous en connaissons tous la conséquence. Nous avons connu des dizaines de nos amis disant « Je ne vais pas à la manifestation parce que je te le dis, j'ai peur ». La peur est devenue l'instrument de ce pouvoir. En même temps que le harcèlement et le matraquage médiatique comme nous l'avons vu pendant le grand débat. Tout ça alors a existé et tout ça, nous avons eu à nous y confronter. Et oui, nous n'avons pas su retourner cette situation. Quand bien même, jamais on n'avait tenu autant de réunions. Jamais on n'avait fait autant de travail. Mais enfin, quand même, au bout du compte, ce qui s'est fait est fait. Et le fond de l'affaire n'est même pas dans ce matraquage-là. Je vous le dis franchement, d'abord parce que les gens lisent de moins en moins les journaux. Demandez-vous pourquoi ? Qu'ils regardent de moins en moins, bref, non, ce n'est pas le fond de notre difficulté. Notre difficulté, il faut l'analyser avec la discipline intellectuelle qui est la nôtre. S'il y a une crise de la représentation politique, ce n'est pas parce que la qualité de l'offre est insuffisante, comme disent certains. La raison de cette séparation, de cette coupure avec la représentation politique, elle est dans la société. Autrefois, il y avait des grands blocs sociaux qui s'étaient au fil de l'histoire construits une mentalité collective, des idées, des systèmes de pensée communs. Tout ça a volé en éclats. Et plus que jamais, la société s'éparpille. Et d'ailleurs, les libéraux passent leur temps à l'éparpiller en multipliant le refus des statuts, les conditions précaires de plus en plus, le tournis dans l'emploi. Savez-vous qu'il a quintuplé depuis les années 80 ? Que 90% des premières embauches se font dans des contrats à durée déterminée ou sur des postes de travail transitoires. Et Marina Mesure nous a montré comment, lorsque redémarre l'emploi dans le bâtiment aujourd'hui, c'est d'abord par des emplois précaires et maintenant surtout par du travail détaché que le risque vient de voir finir de se démanteler les cohésions qui sont possibles dans telle ou telle corporation. Oui, voilà, c'est ça. D'un côté, ce peuple abasourdi, dont une de ses fractions est saoulée de misère, dont le seul projet consiste à vivre le lendemain et la semaine d'après, à remplir le frigo pour la fin de la semaine et à se livrer à ces tragiques mathématiques du quotidien. Est-ce qu'on va se nourrir ou bien se déplacer ? Est-ce qu'on va se soigner ou bien se vêtir ? Et ainsi de suite. Et puis l'autre fraction, un peu mieux installée et fou de peur de perdre le peu qu'il a. Et encore à l'autre bout, ces classes, ça chante, qui dans le moment jouissent de revenus suffisants pour vivre et qui se figurent que tout pourrait s'arranger sans qu'on ne change rien. Et le gouffre s'est ouvert parmi ces 90%. Qui fait face à l'oligarchie. Il n'est pas vrai que le 99% soit dans le même camp face à 1%. Ce n'est pas vrai. Le 99% est très éclaté socialement. Et voilà la racine de notre difficulté. Nous avons le plus grand mal à construire une transversale, une cause commune entre des catégories sociales aussi éclatées et qui se font une représentation de leur futur aussi diverse. Voilà où est notre difficulté. Dans la campagne des élections présidentielles, nous avons réussi à tracer ce projet qui fédérait. Nous n'y sommes pas parvenus dans l'élection européenne. Et cela tient sans doute à nos faiblesses, etc., etc. Flagellez-vous, si vous voulez, à ma place, je n'y ai aucun goût. Mais cela est dû essentiellement à la difficulté qu'il y avait à parvenir à fédérer dans cette circonstance. Quand vous allez voir des gens pour leur dire d'élire des députés dans un Parlement qui n'a pas de pouvoir, qui fait vivre une institution que vous condamnez, eh bien vous avez du mal à faire comprendre aux gens de bon sens pourquoi faut le faire. Oui, ça a été une grande difficulté. Et entre les Européens, qui trouvent qu'aucun prix n'est trop cher du moment que c'est l'Europe, les eurobutés, qui capitulent d'avance, eh bien la position que nous avons portée, celle du plan A et du plan B, celle de la souveraineté populaire, eh bien on n'a pas su le faire comme il fallait le faire, et on n'a pas réussi à fédérer, voilà. Et cette difficulté, mes amis, n'allez pas croire que c'est une affaire d'une campagne électorale plus ou moins bien réussie. C'est une question de fond, et elle va devenir encore plus grave devant nous. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, vont se concrétiser les conséquences de la destruction du Code du travail. La destruction du Code du travail, c'est 200 000 mandats syndicaux de moins sur les 600 000 que compte le pays. Ça signifie que cette partie organisée du salariat est affaiblie, pour ne citer que cet exemple. Toutes les facilités qui ont été données au patronat pour licencier les gens encore plus vite, pour changer leur statut sans qu'ils puissent protester, alors qu'auparavant, ils pouvaient considérer, eux, les salariés, que c'était une rupture du contrat de travail et réclamer contre leur patron. Dorénavant, ils n'ont pas ces recours. Par conséquent, pour cette partie organisée de la population dans les syndicats et se retrouvant sur des idées communes, la situation est plus difficile. Les fonctionnaires de l'État, l'État qui a la nécessité de la stabilité absolue de la fonction publique parce que c'est le moyen de lutter contre la corruption, parce que c'est le moyen pour faire progresser en connaissance et en formation professionnelle les fonctionnaires. L'État a besoin du statut de la fonction publique. L'État est détruit par la politique macroniste de la fonction publique. Quand vous aurez demain des directeurs d'administration centrale qui seront recrutés sur un contrat de mission pour quelques mois, ces gens-là seront payés pour venir détruire l'État de l'intérieur, exactement comme ils le font chaque fois qu'ils pantouflent. L'État, dont il nous reviendra la tâche de le reconstruire en tant qu'État républicain, c'est-à-dire voué à l'intérêt général, excluant absolument les pressions des intérêts particuliers qui s'exercent sur lui, tout ça sera à reconstruire. L'école, détruite par le projet Blanquer, avec ses spécialisations des enfants, les gosses bien placés à tel lycée et les autres dans le reste, avec ces établissements qui concentreront tout, du primaire au secondaire. Oui, l'école, principal levier de l'unité française, l'unité républicaine, l'idée qu'on peut s'améliorer par soi-même, en se hissant par ses mérites et ses connaissances, c'est cela qu'on est en train de tuer dans l'œuf. Ce sera encore plus dur après. Plus longtemps durera le macronisme, plus dure sera la tâche pour relever la France républicaine à laquelle nous sommes attachés. Alors qu'on ne l'oublie jamais, ce n'est pas un jeu. Et pour ma part, j'ai passé l'âge de faire une carrière. Par conséquent, c'est une lutte. Et c'est dans la lutte que les options vont se définir. N'en doutez pas. Chaque étape est une étape vers la conquête du pouvoir et la conviction que nous échangerons avec une majorité de Français, que nous sommes mieux placés pour faire le bien de la suite de la vie de ce pays. Chaque étape. Les élections municipales ont du sens en tant que préparation à l'auto-organisation populaire qui s'exprimera et qu'on retrouvera ensuite à l'étape d'après. Et de même avec les élections départementales, et de même avec les élections régionales, jusqu'à l'élection de 2022, parce que tout le monde a compris que c'est sur cette fonction, dans cette constitution, que nous n'avons pas choisi, dans cette constitution que se concentre tout le pouvoir. Et ceux qui ne l'admettent pas, ou qui voudraient faire comme si, sont ceux qui veulent aller jouer un match de foot avec les règles du basket. Eh bien, si vous jouez au foot, faut être les meilleurs au foot. Si vous jouez aux élections présidentielles, faut être les meilleurs aux élections présidentielles, et ça se prépare de longue main. Mais ce ne sera pas affaire que d'élections, les amis. Et ça, c'est le message qu'il faut faire passer. Nous ne sommes pas simplement voués aux élections. Bien sûr, les élections, c'est important. Nous sommes républicains et démocrates, dis donc. Non, mais dans ce pays, vous savez, tout est cul par-dessus tête, alors. Alors il y a une élection, le gouvernement dit que c'est lui qui va arriver devant, et qu'on va voir ce qu'on va voir. Et il invente un match avec le Rassemblement National. On vote. Et c'est moi qu'on vient voir. À la sortie, on me dit, mais vous aviez parlé d'un référendum anti-Macron. Eh bien, c'est pas ce qui s'est passé. Ah bon? Il n'y a pas 80% des gens qui ont émis une opinion politique avec un bulletin de vote, ils n'ont pas voté contre le pouvoir. Bien sûr que si. Le pouvoir et tous ses amis étaient regroupés dans une seule liste, ils ont fait 20%. 80% leur ont dit, allez vous faire voir. Et ces 80%, si l'on y ajoute tous ceux qui ne se sont pas déplacés, ça fait 90% des inscrits. Le pouvoir est le pouvoir avec 10% des inscrits. Par conséquent, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il décide, tout est une violence. Tout est incroyable dans un état de droit et une démocratie. Bien sûr, il faut la stabilité des institutions. Personne ici ne va dire le contraire. Nous n'avons jamais rêvé d'un gouvernement de la barricade permanente. Mais enfin, entre le pouvoir absolu sous lequel nous vivons et cet autre extrême, il y a peut-être une autre manière d'avancer qui garantit à la fois la solidité de l'exécutif, mais la capacité permanente d'intervention populaire. C'est pour ça que nous avons pris fait et cause avec le mouvement des Gilets jaunes quand ils réclamaient le référendum d'initiative citoyenne. Que nous sommes des partisans du référendum révocatoire, qui donne le pouvoir au peuple à tout instant de dire non, là c'est trop. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis stupéfait de voir que c'est à moi qu'on me demande de s'en aller. Sans que je sache de quoi d'ailleurs je dois m'en aller. Je suis président de groupe à l'Assemblée nationale, je suis d'ailleurs le seul élu par les autres dans le mouvement des insoumis, je le signale au passage, parce que pour un dictateur, c'est quand même curieux. Bon, voilà. Alors c'est à nous qu'on dit il faut s'en aller. Et puis qui encore, je vois, tel éditorialiste qui a transformé une magnifique émission d'Inimanche en une clownerie à buzz, dire il doit s'en aller, mais jeune homme, occupez-vous d'abord de savoir pourquoi votre audience diminue, avant de venir me dire que pour que la mienne augmente, il faut que je m'en aille. Peut-être que c'est vous qui devriez partir. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Non, c'est le monde à l'envers. Le pouvoir a perdu les élections européennes. Il les a perdues lourdement en tant que pouvoir. Et il n'en tire aucune sorte de conclusion démocratique. Si une, ils vont continuer plus fort qu'avant. Pourquoi? Parce que tous les ballots qui se sont figurés que pour mettre un bon coup de pied au cul de Macron, il fallait mettre les grosses bottes du Front National, sont en train de découvrir que le fait de leur confier cette tâche ne sert strictement à rien. Le Front National a gagné cette élection parce qu'il est arrivé en tête. Et que s'est-il passé depuis, du point de vue du rapport de force avec la politique de Macron? Rien. Absolument rien. Madame est partie en vacances avec le reste de la dynastie. Ils sont pas là. Même pas à l'Assemblée nationale où ils sont élus. Et où on peut prendre la parole quand même. Encore pour l'instant, ça durera pas parce que les macronistes ont changé le règlement intérieur. Donc tout ça ne les a menés nulle part. Et nous alors, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À part se remettre au combat. Et est-ce que les raisons de s'y mettre nous manquent? Non. Est-ce que vous avez le sentiment que les idées que nous avons mises en circulation sont moins pressantes qu'elles l'étaient il y a 2 ans? Non, l'inverse, tout le monde parle notre langue aujourd'hui. Et c'est drôle, quand c'est les autres, on les félicite. Quand c'est Monsieur Yannick Jadot qui dit qu'il veut pas faire de tambouille avec mes propres mots, tout le monde dit « Ah, mais c'est très bien ». À moi, on dit quoi? Il ne veut s'allier avec personne. L'ego. Quand il dit « On ne fera d'alliance avec personne », on dit « Ah, mais c'est bien, quelle pureté ». Quand c'était nous, on disait « Ah, mais quel sectaire ». Et Monsieur Jadot lui-même disait « Ah, cette volonté d'hégémonie ». Eh bien, vous voyez, c'est comme ça. La lutte, les raisons d'agir, et évidemment d'abord de se confronter aux défis. Regardez bien le résultat. Les élections européennes ont eu lieu, des négociations sont en cours au niveau européen pour constituer la Commission et les autres organes. Dans cette situation, la France est affaiblie. Elle s'est affaiblie méthodiquement du fait d'une gestion hasardeuse de son rapport aux autres nations d'Europe. Les choucades du président, ses trouvailles étranges, proclamées un jour et oubliées le lendemain, ses discours, plus interminables que les miens, avec des approximations successives sur une souveraineté qui ne peut pas exister, la souveraineté européenne, etc., etc., nous ont isolés. Pour la première fois, on a vu 10 nations d'Europe écrire une lettre pour condamner la position du président français. On croit rêver. C'est ça l'Union. Et puis on a vu, et vous vous souvenez comment on a parlé de moi à ce moment-là, il est vrai que mon cas s'aggravait, j'avais auparavant écrit un livre qui s'appelait « Le hareng de Bismarck », où je montrais comment petit à petit les gouvernements de droite allemand étaient en train de coloniser la totalité des institutions européennes et, par là même, mettaient l'Europe en danger. Voilà maintenant qu'un de ceux qui me traitaient de germanophobe, le journaliste inamovible à l'Europe de Libération, M. Quatremer, dit que c'est une Europe allemande qui est en train de se faire et que ça va trop loin. En effet, ça va trop loin. Pour la première fois, on a vu la présidente du parti CDU-CSU, Madame Annegret Kramp-Karrenbauer, demander, premièrement, que l'on annule le siège du Parlement européen à Strasbourg. Si nous sommes à Strasbourg, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas où aller ailleurs. L'emplacement d'une capitale n'a jamais été déterminé par des raisons de circonstances géographiques, sinon Paris ne serait pas la capitale de la France, vu qu'il est très proche des frontières de notre envahisseur habituel. On se serait mis ailleurs. Et par conséquent, si on est à Strasbourg, c'est parce que Strasbourg incarne la possibilité de la vie commune des Allemands et des Français au bout de tant de décennies de lutte implacable ayant donné lieu, du fait de l'impérialisme allemand, à deux guerres mondiales dans lesquelles des millions de gens sont morts. Nous ne sommes donc pas à Strasbourg en raison de son climat, mais en raison de la volonté et de ce que cela nous enjoint comme devoir de coopération fraternelle avec le peuple allemand. Voilà pourquoi nous sommes à Strasbourg. Ce n'est pas du nationalisme que de défendre le siège. Madame Karrenbauer le sait. Alors pourquoi parle-t-elle comme ça? Ils disent « Ah, tous les mois, il faut transporter des mâles. » Ah bon? Vous en êtes encore au mâle? Vous n'avez pas d'ordinateur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les soi-disant surcoûts, c'est 0,001 du budget total de l'Europe. C'est un prétexte pour donner plus que jamais à l'Europe son visage de technocrate anonyme, de la grisaille, de la soucoupe volante qui est posée en plein milieu de Bruxelles et qui s'appelle le siège de l'Europe à Bruxelles. Et Madame Karrenbauer a encore trouvé l'audace d'aller dire que le siège des Français au Conseil de sécurité lui aussi serait mis en cause au profit de je ne sais quel siège européen dont on se demande qui l'incarnerait, vu qu'il n'y a pas de politique étrangère européenne. Mais c'est très grave de dire ça aussi. Quelque chose est en train de mourir sur pied. Je ne sais comment vous le dire, comment vous transmettre ce message. Nous sommes en danger à partir du moment où on commence à se parler comme ça d'un côté et de l'autre de la frontière. repartie pour une nouvelle saison avec vous, Roselyne Bachelot, bonjour. Oui, Saskia, quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre matinale sur France Musique. Oh, on n'a pas eu cette semaine des éco-politiciens très, très gais et très entraînants, alors j'ai décidé de nous replonger dans l'atmosphère de la libération de Paris, d'être un peu festif. Je vais pas dire, rappelez-vous, évidemment, on était en août 44, c'était la folie dans les rues de Paris, les soldats américains amenaient avec eux les airs qui feraient swinguer toute la jeunesse et les moins jeunes, par exemple It's the Moon, Glenn Miller. Ou Rum & Coca-Cola par les Andrew Sisters. Ah voilà, c'était les Américains qui faisaient oublier un peu Charles Trenet et Maurice Chevalier. Mais pour revenir à l'histoire, il ne faut pas oublier que les premières troupes qui sont entrées dans Paris, ce n'étaient pas les Américains, mais ce sont bien les éléments de la 2e DB qui sont rentrés par la porte d'Italie et la porte d'Orléans. Pour beaucoup, ce sont des histoires qu'on lit dans les livres ou dans des films. Mais moi, j'ai eu la chance, puisque mes deux parents étaient résistants, de connaître beaucoup de ces héros. Je les ai connus personnellement et qui m'ont raconté tout cela quand j'étais gamine. Jacques Chaban-Delmas à la gare Montparnasse, Henri Karcher qui se paie de culot et qui va arrêter à l'hôtel Meurice le général von Scholtitz, le commandant du Grosse Paris. Mon plus grand souvenir, c'est bien sûr la façon dont Raymond Drone, un copain de mon père, me racontait son entrée dans Paris. Raymond, c'était un Sartois, il a d'ailleurs été député de la Sarthe. Tonitruant, truculent, on le surnommait Barberousse, et c'est donc lui qui, à la tête du 9e régiment de marche du Tchad, fut à la tête des premiers soldats entrant dans Paris le 24 août. Les Parisiens attendaient les Américains, ils furent stupéfaits, exaltés de voir que c'était des Français, ils criaient sur les trottoirs, mais ce sont des Français, les Français de Leclerc! Mais en fait, c'était pas des Français. En fait, très majoritairement, le 9e régiment de marche du Tchad était composé de républicains espagnols, ce qui lui valut d'ailleurs le surnom de la Nueve, 9 en espagnol, et explique que les véhicules blindés qui entraient dans Paris s'appelaient Teruel ou Guadalajara. En tout cas, c'était bien en français que Raymond Drone avait peint sur sa Jeep de commandement « Morocon ». Phrase qui peut rester d'actualité. Il l'installa à 9h22 du soir sur le parvis de l'hôtel de ville. Il venait ainsi en renfort des FFI qui se battaient à une poignée contre une garnison allemande encore forte de près de 20 000 hommes. C'est un soldat républicain espagnol, Amado Granel, qui fut le premier à être reçu dans l'hôtel de ville par Georges Bidault, président du Conseil national de la Résistance. Ce sont les soldats espagnols qui vont assurer l'escorte de De Gaulle sur les Champs-Élysées. Vous savez, cette fameuse descente où De Gaulle dit « c'est la mer ». Cette escorte du général De Gaulle sur les Champs-Élysées. Et ils vont continuer la guerre glorieusement. Ils étaient rentrés en France en débarquant sur Utah Beach. Et ils vont terminer cette guerre en entrant dans le nid d'aigle de Hitler à Berchtesgaden. Je ne me suis jamais lassé d'écouter Raymond Drone me raconter ce fait d'armes où la réalité rejoint la légende et l'histoire. Alors, en hommage à ces républicains espagnols, Mireille Mathieu chante en espagnol la chanson fameuse du film de René Clément « Paris brûle-t-il » avec une musique de Maurice Jarre. Et on écoute « Arde Paris » par Mireille Mathieu. Quelle superbe version. Et voilà, on la connaît pas. Mais non. Merci beaucoup. Roselyne Bachelot pour cette chronique qu'on écoute sur francemusique.fr, qu'on retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. Soir, notre pays a connu des arrivées massives de migrants. Certains fuyaient la misère, d'autres la guerre. Espagnols, italiens, vietnamiens ou cambodgiens, nous sommes plongés dans les archives. Et puis, nous avons retrouvé Pepita et Marcel. Leurs témoignages résonnent avec l'actualité. Regardez, écoutez, C'est un reportage de Vendrine Lanos et Yvan Martinet avec Olivier Sauveur et Olivier Bretin. Leur histoire. Qui s'en souvient aujourd'hui ? Pepita Bedoya, la réfugiée espagnole, et Marcel Conti, l'enfant d'immigrés italiens. Leur vie raconte une page de l'histoire de France, presque oubliée. Dans les années 30, Pepita fuyait la guerre civile. Quelques années plus tôt, le père de Marcel, lui, cherchait un travail pour nourrir sa famille. La femme disait, là, ça c'est mon frère, le deuxième, avec son épouse. Espagnols, italiens, ils ont été plusieurs centaines de milliers à choisir la France pour un avenir meilleur. Ils ont grandi ici, contribué à construire ce pays, et ils sont fiers d'être français aujourd'hui. C'est une histoire bien française. En atteste son décor, une petite maison face à la mairie d'un village des Yvelines. Madame Bedoya, c'est vous-même, bonjour. Pepita Bedoya vit ici depuis un demi-siècle. À 87 ans, sa fierté s'affiche sur les murs de son salon. Oh, c'est Luc, c'est mon fils aîné. Ça, c'est Christiane, ma fille. Six enfants, neuf petits-enfants, six arrière-petits-enfants. Une famille française façonnée par la guerre et l'exode, car Pepita est une réfugiée espagnole. La France va accueillir 24 000 réfugiés supplémentaires dans le cadre des quotas européens sur ces 120 000... Ces jours-ci, les migrants qui peuplent les journaux lui rappellent chaque soir sa propre histoire. Elle aussi a dû quitter son pays, fuir la guerre. Ce matin, j'ai dit à la radio qu'on était déjà très généreux et qu'on ne pouvait plus se permettre d'accueillir des réfugiés en plus. Je suis tout à fait d'accord. C'est triste. Quand on entend des hommes politiques dire qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Quelque part, peut-être. Mais il faut peut-être dire qu'on n'est pas à la vue et que ça n'arrive pas un jour en France. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Alors on sera bien content si quelqu'un nous ramasse. Donc de toute façon, il faut les aider, c'est pour nous aider. C'est tout ce qu'il faut faire. Pour faire le maximum pour eux. Pepita n'a aucun mal à se projeter. Les bombes et les balles ont déchiré son enfance. En août 1939, elle n'a que 10 ans lorsque son père, combattant républicain, est exécuté par les troupes de Franco. Sa mère doit alors fuir l'Espagne avec ses trois enfants. Partir, toujours avancer, essayer d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous avez vécu de traumatisant ? Ben, quand les premiers avions ont commencé à me parler, c'était le plus affreux pour moi. Enfin, moi, enfant, c'est ce que j'ai ressenti le plus avec mon frère. Tué d'une balle, son frère n'arrivera jamais en France. Le 5 février 1939, après 6 mois d'errance, Pepita et sa famille franchissent enfin la frontière. Jusque-là, la France a plutôt bien accueilli les Espagnols. Mais là, c'est une marée humaine. En 12 jours, 450 000 réfugiés déferlent sur la France. Débordés, les autorités les regroupent d'abord sur les plages, comme ici, à Argelès-sur-Mer. Dormant à même le sable, Pepita y restera 15 mois. Le temps pour l'État français de construire le camp de Rivesaltes, près de Perpignan. 70 ans plus tard, les baraquements sont toujours là. Ruben Dolpetit, un universitaire espagnol, est l'historien des lieux. Là, on est sur cet île-là. Ce sont les 602 hectares, ce qui équivaut à 1200 terrains de foot. Des centaines de bâtiments construits à la hâte. Pas d'isolation, pas de chauffage, pas assez de sanitaire non plus. Le problème, c'était que les latrines n'étaient pas assez vidées. C'est souvent, donc, les excréments se filtraient dans la nappe phréatique du camp et, du coup, polluaient l'eau qui servait à boire dans le camp. Conséquence, des épidémies de diphtérie, entre autres, auxquelles se conjugue la malnutrition. Chaque jour, les enfants n'ont droit qu'à 100 grammes de pain et un bol de soupe. Un quart des nouveau-nés décèdent. En ce qui concerne les adultes, il y avait des adultes qui perdaient en moyenne 20 kilos. Donc là, c'est le cas de cette femme-là. C'est avant de son entrée au camp de l'USAT, et là, quelques mois plus tard. Autour du camp, une enceinte de fil barbelé. Le centre de regroupement de Rivesalt est en fait une prison à ciel ouvert. Les réfugiés espagnols y sont traités en ennemis par le gouvernement de Pétain. Au gouvernement français, on avait cette idée-là, que c'était des anarchistes, des communistes, donc quelque part en danger politique, idéologique, dans une France bouleversée. Rivesalt, Argelès, Pepita aura passé 4 ans et demi dans ces camps. 4 années sans école. Vichy ne prévoit pas d'enseignement pour les fils et filles de Rouge. C'était quoi les premiers mots de français que vous avez appris ? Maréchal, nous voilà devant toi, tes enfants de la France. Après. Une France pétainiste en guerre, rongée par la crise économique. Pour la population, ces réfugiés sont de trop. C'était quoi les réactions des Français qui voyaient ces Espagnols arriver par milliers ? Ben, ils ne s'approchaient pas de nous, déjà. Vous avez senti l'hostilité ? Ah oui, l'hostilité, oui, oui. Ah oui, pour eux, on était des vraiment des mauvais. Et les enfants, bon, les enfants, c'est toujours des enfants. Quand ils pouvaient s'approcher des fils bordelais, ils nous envoyaient des pierres, hein, faut pas croire. Cette enfance, vous en avez parlé à vos enfants ? Vous leur avez raconté ? Non, parce que je voulais qu'ils soient heureux. Qu'ils n'aient pas des mauvais souvenirs. Je ne pouvais pas leur raconter des bons souvenirs. Je ne l'avais pas. Si Pepita n'a jamais parlé de cette enfance à ses fils, elle a pris soin de leur transmettre ses valeurs, forgées par ce passé de réfugié. C'est mon fils numéro 5. Il s'appelle Jean. Numéro 5. Ça gosse. Il est très malin. Quand vous voyez ces réfugiés sur les écrans, vous pensez à votre maman. Vous vous dites que finalement c'est pas votre maman. Je me dis, je vais faire comme beaucoup de gens, je vais voter Front National parce qu'il y a beaucoup d'émigrés qui vont venir en France, mais malgré tout, comme je suis qu'à moitié français, je me dis non, je voterai jamais Front National. Voilà, tout simplement. Pepita, la fille de communiste, a toujours le cœur à gauche. Elle souhaite aujourd'hui que ces migrants puissent à leur tour devenir des Français à part entière, comme elle. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces que los tiren, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. Se han hundido las banderas italianas, en los puentes solo quedan las que son republicanas, y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Dispose d'un groupe d'une trentaine de mercenaires d'extrême droite. Des Européens venus chercher l'aventure en Bolivie. Mais il faut les payer et acheter des armes. C'est Roberto Suarez Gomez, le plus gros trafiquant de cocaïne de Bolivie, que Klaus Barbie va solliciter. À l'époque, il fournit 90% de la production mondiale. Roberto Suarez Gomez était considéré comme le roi de la cocaïne. Je l'ai rencontré à de nombreuses reprises. Sa veuve, Aida Levy, dans son livre, décrit Klaus Barbie lors d'un rendez-vous avec son mari en train de recevoir de l'argent. Ce qui confirme ce que nous imaginions, à savoir que c'est l'argent de la cocaïne qui a financé le coup d'État. Roberto Suarez Gomez va verser 5 millions de dollars aux putschistes, en échange de la promesse de pouvoir mener ses affaires sans difficulté, une fois le général Garcia Meza en place. Le 17 juillet 1980, la Bolivie connaît son cinquième coup d'État en 10 ans. En coulisses, Klaus Barbie donne ses directives. Il a des listes de gens, des politiciens de gauche, des prêtres, des étudiants, des professeurs, des personnes opposées à Garcia Meza. Sa mission était de mettre ces gens en prison, de les torturer, de les sortir de la société, de les tuer. Dans la capitale, les mercenaires sillonnent la ville et enlèvent ou exécutent les personnes désignées par Klaus Barbie et les putschistes. On comptera 200 morts. Les chars utilisés ce jour-là sont ceux vendus par Klaus Barbie quelques années plus tôt à l'armée bolivienne, équipés des canons français. Mais un an plus tard, sous la pression américaine, la narcodictature s'effondre. Le 4 août 1981, le dictateur doit démissionner en direct à la télévision. Une nouvelle ère démocratique s'ouvre pour la Bolivie. Un président de gauche, Siles Oiseau, est élu. Barbie se retrouve sans protection. La première déclaration officielle qu'a faite le président de la Bolivie, Suazo, c'était une interview avec moi. Et il était clair à ce moment-là que le gouvernement était désireux d'expulser Barbie. Donc on aurait pu penser que Barbie allait se cacher, mais il ne l'a pas fait. Le criminel de guerre est au plus mal, car il est aussi confronté à des drames personnels. Son fils se tue dans un accident de deltaplane, et sa femme meurt d'un cancer. Il vivait enfermé dans la mémoire de sa femme. Il avait perdu, comment dire, toute force, toute volonté pour aller de l'avant. Il était détruit moralement. Il n'avait plus envie de rien. En France, au même moment, c'est l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Le 21 mai 1981, le jour de son investiture, il se rend sur la tombe de Jean Moulin pour y déposer une rose. En France et en Bolivie, les deux gouvernements de gauche vont entamer des négociations secrètes sur le sort de Barbie. Un accord est trouvé fin 1982. En réalisant cette expulsion, Siles Oiseau permettait à la nouvelle présidence bolivienne de recevoir un soutien politique et économique de l'Europe. Mais la négociation comprend aussi une clause secrète. Ce rapport de la CIA en fait état. L'envoi, selon le ministre de la Défense, consiste en 2000 mitraillettes, des munitions et du matériel radio. Un geste de remerciement pour la livraison de Klaus Barbie. Klaus Barbie, trafiquant d'armes, va donc être échangé contre une cargaison de mitraillettes que la France a accepté de livrer à la Bolivie. Le 25 janvier 1983, la police bolivienne vient chercher Klaus Barbie chez lui. Sous prétexte d'une vieille dette au trésor public, le pouvoir bolivien décide de l'incarcérer à la prison de San Pedro. Le plan des autorités est d'expulser Klaus Barbie le plus vite possible vers la France. Le 4 février, c'est dans le plus grand secret qu'un journaliste de confiance de la chaîne publique est prévenu de l'imminence du départ. Seule ma femme savait que j'avais une mission, c'est tout. On nous a dit de n'avoir aucun contact avec personne. Quand il a fait nuit, vers 19h30, nous sommes partis vers la base militaire. Jusqu'au dernier moment, on a douté, oui, on a douté. On se disait, après tout, si le Suazo, qui était le président de la Bolivie, pouvait changer d'avis. Klaus Barbie embarque dans un avion militaire bolivien. Il ignore sa destination finale. Il espère que ce sera l'Allemagne, où il peut bénéficier d'une amnistie. Quand l'avion a décollé, il voulait que je lui confirme qu'on partait en Allemagne. Il m'a dit « Je n'ai pas mes affaires, je n'ai pas de rasoir ni de brosse à dents ». Il me demande « Combien ça pourrait coûter en Allemagne, rasoir ?» Parce qu'on va en Allemagne, n'est-ce pas ? Il avait envie d'avoir une confirmation de ma part. Je lui ai dit que je ne savais pas. L'avion militaire bolivien va prendre la direction de Cayenne, en Guyane française. 8 heures de vol. Carlos Soria pose ses premières questions. Ce voyage est comme un retour vers le passé, n'est-ce pas ? Non, c'est un retour vers l'Allemagne, où je dois vivre normalement. Vous ne regrettez rien de ce que vous avez fait dans votre vie ? Personnellement, non. Je ne peux pas le dire, non. Est-ce que vous avez commis quelques erreurs ? Vous n'avez pas commis d'erreurs dans votre vie ? Une fois arrivé à Cayenne, après l'atterrissage, les pilotes ont tout éteint. On était dans le noir complet. Et là, on commence à entendre des voix en français. Je pense qu'à ce moment-là, Barbie s'est rendu compte que nous avions atterri en territoire français. Un officiel français va lui signifier qu'il est désormais en état d'arrestation et poursuivi pour crime contre l'humanité. Quand on lui a lu le texte avec le jugement, les Français lui avaient mis des menottes et le tiraient par une corde, un peu comme un animal. C'était grotesque. Le moment le plus frappant de ce voyage, c'est le changement d'expression du visage de Barbie. Son moral s'effondre, il devient un vieillard. Je proteste énergiquement contre cette forme de latitude du gouvernement bolivien, parce qu'ils ne m'ont même pas donné une chance, une minute, pour me défendre contre cette expulsion. Il a essayé de me manipuler. Il voulait utiliser la caméra à son avantage. C'est pour cela qu'il a protesté de façon très énergique, parce qu'il savait que ça allait être diffusé. 40 ans sont passés, je ne me souviens plus. Vous croyez que la France, l'Europe, le monde doivent oublier vos crimes ? Oui, absolument. Parce que tant de crimes nouveaux se sont produits. J'ai oublié. S'ils n'ont pas oublié, eux, c'est une autre affaire. Le 6 février 1983, exactement 39 ans après avoir fui cette ville, Klaus Barbie est ramené à Lyon, là où il a commis ses pires crimes. Je crois que c'est une satisfaction pour tout le monde. Surtout, je crois qu'un des premiers mots, c'était quand j'ai été interviewé, tous mes malheurs en Bolivie commençaient quand Mme Clark est arrivée. On était soulagés parce qu'on portait cette affaire sur le dos. Et c'était une affaire où il y avait effectivement un vainqueur et un vaincu. Klaus Barbie est incarcéré au Fort Montluc. C'est précisément là qu'il a torturé Jean Moulin et des dizaines d'autres résistants. C'est aussi là qu'ont transité les 7600 juifs qu'il a fait déporter. Je trouvais que c'était très symbolique et très bien de l'avoir fait dormir dans cette cellule. Une incroyable cavale prend fin. Après 4 ans d'instruction, c'est enfin l'heure de la justice. Mais Klaus Barbie, défendu par Jacques Vergès, décide de se retirer après seulement 2 jours d'audience. Le procès va durer 9 semaines. Des dizaines de victimes du boucher de Lyon se succéderont à la barre. 17 crimes contre l'humanité sont reprochés à l'accusé Barbie. Il est condamné à perpétuité le 4 juillet 1987. Pour les victimes, c'était le jour où vraiment ils ont vu qu'ils ne sont pas battus pour rien. Hein, et qu'il y a une justice. Après 8 ans de prison, Klaus Barbie meurt en 1991 à 78 ans.

qui ont troublé. Moi, ce que j'ai ressenti à travers ces prises de position, alors c'est pas pareil. Effectivement, Clémentine Autain proposait à une autre proposition politique à faire. Je regrette néanmoins que ça a été effectué par voie médiatique, parce que je pense qu'effectivement la question du débat est préférable en interne au préalable. Donc pour moi, voilà, c'est vrai que j'ai entendu effectivement ce qu'elle a dit, mais pour autant j'aurais préféré effectivement que ce soit en interne au sein du mouvement. Alors après, est-ce que ça n'a pas été possible? J'avoue que j'en sais rien. Quant à Charlotte Girard, voilà, c'est forcément une quelqu'un qui était très apprécié par tout le monde, parce qu'elle incarnait effectivement le mouvement, le côté bienveillant, et puis voilà, c'était quelqu'un qui avait occupé des fonctions importantes au sein du mouvement. Donc on est forcément voilà, ça a affecté beaucoup d'entre nous. Mais dans sa réponse, Jean-Luc Mélenchon n'a pas fait dans la dentelle. Je suis consterné par le nombrilisme de certaines critiques. Alors, dans une sorte de toute-puissance puérile, si nous avons rencontré des difficultés, ce serait entièrement de notre faute, parce que nous n'avons pas coché la bonne case dans le QCM, parce que je ne suis pas assez poli, parce que l'autre est trop ceci, l'autre... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une force est là, c'est un point d'appui. Et rien, en tout cas, aucune simagrée, aucune autoflagellation de convenance, tant à la mode dans la vieille gauche officielle mondaine, ne viendra jamais abattre. Pourtant, parmi les délégués, dont certains tirés au sort, la demande d'une assemblée constituante du mouvement avait trouvé un écho. On a eu une réunion des insoumis du 20e, et donc de cette réunion est sorti un texte qui a été distribué ici, donc appelant en effet à une assemblée nationale constituante du mouvement. Cette demande n'a pas été entendue en tant que telle, elle n'a pas été reprise dans la synthèse finale. Car, pour Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise ne peut pas devenir un parti politique. Et ce mouvement restera un mouvement. Il ne peut pas être un parti politique. Que ceux qui assurent au retour des délits de la bataille pour les virgules, des plateformes, les meilleurs amis s'entraînent dans les couloirs, eh bien, ils se sont trompés d'adresse, je ne leur en veux pas. Ces plaisirs sont disponibles à d'autres endroits. Pas ici, ni maintenant, ni demain, jamais. Une fin de non-recevoir qui risque de braquer bien des militants. Certes, de nouvelles structures internes sont annoncées. Une agora politique doit notamment fluidifier le dialogue entre la direction et la base du mouvement. Effectivement, il va y avoir pas mal de comités qui vont être créés, qui vont répondre aux besoins, par exemple, de débats politiques internes, qui est aussi des comités qui permettent que la prise en compte de la parole des insoumis locaux soit remontée. Mais le plat de résistance de cette assemblée représentative, c'était l'échec des européennes. 6,3%. Jean-Luc Mélenchon l'a reconnu sans détour, avant d'avancer une explication. Nous avons le plus grand mal à construire une transversale, une cause commune entre des catégories sociales aussi éclatées et qui se font une représentation de leur futur aussi diverse. Voilà où est notre difficulté. D'un côté, ce peuple abasourdi, dont une de ses fractions est sous les misères, dont le seul projet consiste à vivre le lendemain et la semaine d'après, à remplir le frigo pour la fin de la semaine et à se livrer à ces tragiques mathématiques du quotidien. Est-ce qu'on va se nourrir ou bien se déplacer? Est-ce qu'on va se soigner ou bien se vêtir? Et ainsi de suite. Et puis l'autre fraction, un peu mieux installée et fou de peur de perdre le peu qu'il a. Et encore à l'autre bout, ces classes, sachantes, qui, dans le moment, jouissent de revenus suffisants pour vivre, et qui se figurent que tout pourrait s'arranger sans qu'on change rien. Dans la campagne des élections présidentielles, nous avons réussi à tracer ce projet qui fédérait. Nous n'y sommes pas parvenus dans l'élection européenne. Quand vous allez voir des gens pour leur dire d'élire des députés dans un parlement qui n'a pas de pouvoir, qui fait vivre une institution que vous condamnez, eh bien vous avez du mal à faire comprendre aux gens de bon sens pourquoi il faut le faire. Cette assemblée participative a également été l'occasion d'officialiser le nouveau numéro 2 du mouvement, Adrien Quatennens. Parce qu'il manque d'imagination au gouvernement pour savoir comment on peut faire pour soulager la vie des gens, pour contribuer réellement à la bataille contre le chômage de masse et pour faire en sorte que l'on puisse enfin profiter de la vie émancipée du travail à partir de 60 ans. Une nomination dont la députée Clémentine Autain, absente dimanche, affirmait sur une chaîne info ne pas savoir comment elle avait été décidée. J'ai dit, je vous propose, c'est une idée. Si quelqu'un avait dit, mais quelle horreur ! Personne n'a dit quelle horreur. Tout le monde dit, ah, quelle bonne idée. Je vous propose qu'il y ait un coordinateur. Sa fonction première, elle est tête à claque. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez râler auprès de lui. Il a accepté de le faire. Et quand je l'ai proposé aux membres de la coordination qui étaient là, c'est mon boulot de faire ça, bon sang. Si on peut s'économiser un angelot, si on peut s'économiser une bataille rangée, tant mieux, non? Alors j'ai dit, vous va? Ouais. Eh ben, alors allez, votre jugé vendu, c'est fait. La France insoumise parviendra-t-elle à resserrer les rangs? Pour l'heure, c'est mal engagé. Une cadre du mouvement, Manon Le Breton, responsable de l'école de formation et candidate aux européennes, vient d'annoncer son départ, choquée par la tonalité du discours de Jean-Luc Mélenchon. Le nouveau numéro 2 de la FI, Adrien Quatennens, a du pain sur la planche. Thank you. Maintenant, je vous propose une petite revue de presse. Jean-Luc Mélenchon, le retour en maillot jaune. Le chef de file de la France insoumise a retrouvé le terrain samedi à Belfort avec des gilets jaunes et contre le plan social annoncé par General Electric. C'est curieux qu'on appelle plan social un plan de licenciement. Un plan de licenciement, c'est plutôt antisocial, vous croyez pas ? Alors, écologie, Conseil fédéral, c'était le 23 juin 2019, les Verts se voient en haut de l'affiche. Je voyais déjà, etc. Les urgences crient au secours à l'hôpital de Remiremont. Bon, on s'en tiendra au titre. Les Gilets jaunes ont retrouvé les ronds-points. Pas de manifestation en centre-ville ce samedi pour les irréductibles gilets jaunes, mais un retour sur les ronds-points, en particulier ceux desservant les grandes surfaces commerciales. L'acte 32 aura été mouvant et vécu sans réel accrochage. Alors pourquoi devant les centres, les surfaces commerciales, les grandes surfaces commerciales ? Est-ce que les gilets jaunes détestent les grandes surfaces commerciales ? Est-ce que parmi les gilets jaunes, il n'y a pas un certain nombre de petits commerçants ? Hein ? Qui sait ? Hein ? Oh, qui sait ? Oh, ben, moi, je sais pas, moi. Libre à vous de voir. Ou parce que, bon, ils savent qu'il y a beaucoup de monde qui vient dans les grandes surfaces et que par conséquent, ils ont plus de chances de toucher le public à cet endroit-là qu'ailleurs. Ben, vous voyez bien, hein. Bon. Faut pas non plus voir des coïncidences partout. Docel, association, la confrérie des marqueurs d'eau, site, l'ANA, est créée. Organiser de grands événements et perpétuer la mémoire papetière sous différentes formes, tels sont les objectifs de la mission que s'est fixée la confrérie des marqueurs d'eau, cite l'ANA. Alors Christian Tarantola, maire de Docel, a été élu président de cette nouvelle entité. Donc à suivre, il y aura des expositions, des conférences sans doute intéressantes. Trois candidatures retenues pour le futur marché du terroir. Poussé à en dire plus, Jean Ingré n'a pas eu d'autre choix que d'informer les riverains du quartier de la médiathèque sur le devenir du marché couvert, transformé en marché du terroir. Une question qui revient autour du café à chacune de ses rencontres avec le maire. Elle reviendra aussi sur le tapis vert ce mardi soir en conseil municipal. Alors ce mardi soir, c'était le 25 juin. Hein. Bon, voilà. C'était dans le journal du 25 juin. Il y a 79 ans, 26 jeunes soldats perdaient la vie à Domptaille. C'est une commémoration. Samedi, les autorités militaires des anciens réservistes du 146e RI, régiment d'infanterie, de la Fédération nationale de la ligne Maginot et la brigade franco-allemande ont répondu à l'invitation du maire Michel Jacot et du colonel Jean-François Lemasson, colonel de réserve du 146e RI. Tous ont célébré un terrible anniversaire, celui de l'assassinat de 26 jeunes soldats français. Oui, lorsque des soldats sont faits prisonniers, ils sont désarmés, et une fois désarmés, ils sont mis sous la protection des conventions de Genève, qui interdisent ceux qui les ont faits prisonniers de les assassiner, de les tuer, de les fusiller, parce que c'est un assassinat. Alors ça s'est produit quelque part vers Verdun, en 1940, un régiment de tirailleurs, je crois que c'était des Sénégalais, s'était particulièrement bien battu. Le commandant de la troupe allemande qui leur avait fait face, qui les a fait prisonniers, qui les avait désarmés, leur a dit voilà, on reconnaît que vous êtes bien battus et on va donc vous rendre hommage. Alors les soldats allemands qui sont présents devant vous vont se mettre sur le côté de la route, ils vont vous présenter les armes, et vous passerez et vous défilerez devant eux, évidemment sans armes, puisque vous êtes prisonniers. Voilà. Et après, vous serez prisonniers, bien sûr. Hein. Alors, les soldats en question sont passés, assez contents, assez fiers qu'on leur rende les honneurs. Hein. Ça coûtait pas cher, mais voilà, il fallait le faire. Moralement, c'était quelque chose de positif. Et ils sont passés devant la troupe allemande. Et lorsque le dernier soldat sénégalais, français, est passé devant les troupes, les rangs se sont écartés et deux mitrailleuses qui avaient été mises en position se sont mises à tirer et ont fauché l'ensemble des soldats qui venaient de défiler, qui étaient désarmés. Donc cet acte était contraire aux conventions de Genève. Le commandant qui a fait ça, qui a donné cet ordre-là, a été recherché par la police militaire française, a été livré à un tribunal militaire dans les années 54-55, par là, je ne sais plus. Et il était condamné à mort et fusillé dans une caserne française en Allemagne. Voilà. Eh oui. On n'est pas toujours à l'abri. Les traîtres, un jour, sont trahis. Eh oui, ils sont arrêtés, sont jugés, sont fusillés. Voilà, comme Notre-Dame, l'enquête transmise au parquet. 2 mois après l'incendie qui a détruit une partie de la cathédrale de Paris, la brigade criminelle vient de remettre tous les éléments de l'enquête au procureur de la République. Une instruction judiciaire devrait suivre. Pas de conclusion formelle, mais il ne s'agirait pas d'un incendie criminel, au conditionnel. Conditionnel. Parce que, à cri, quand on parle de crime, il faut toujours poser la question. Enfin, c'est ce que faisait Sherlock Holmes dans les romans de, voilà, hein. On pose toujours la question, à qui profite le crime? Hein, si c'était un crime, à qui profiterait-il? Voilà. Alors là, si on arrive à répondre à cette question-là, on fait avancer l'enquête d'un grand pas. Épinal, tous ensemble pour débattre de la paix et de la construction d'une société pacifique. Les écrivains ont ouvert cette journée de rencontre par une réflexion générale autour de la paix. Eh oui, la paix. La paix qui est toujours menacée. Toujours menacée. Ben oui, rappelez-vous, actuellement en France, il y a 6 millions de chômeurs. Et 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça. C'était en Allemagne, en 1932. Vous savez ce qui s'est passé ensuite, hein? Ben oui, il y a eu des élections en 32, puis en 33. Et en 1933, eh bien, Hitler a été mis au pouvoir. 12 ans de fascisme, 12 ans de nazisme, une guerre mondiale, 60 millions de morts, dont 6 millions de déportés dans les camps de concentration. À Prague, la rue demande la tête du Premier ministre. Une manifestation a réuni dimanche à Prague plus de 250 000 personnes appelant à la démission du Premier ministre tchèque Babiš, soupçonné de fraude aux subventions européennes. Voilà, Istanbul, Imamoglu, élu une seconde fois. Alors ça, c'est pas bon pour Erdogan. Erdogan, au début de sa carrière politique, il était pas trop mal. Il semblait libéral, républicain, un peu de gauche, etc. Puis progressivement, ben, il a vieilli. Il a dit, il est devenu un vieux crouton, acariâtre, et voilà. Et il a dérivé de plus en plus autoritaire, de plus en plus dictatorial. Gare aux déclarations incomplètes, les dossiers d'environ, fiscalité, les dossiers d'environ 900 000 particuliers sont contrôlés chaque année par l'administration fiscale, et le fisc guette la moindre erreur. Ligne à haute tension, un risque possible de leucémie infantile. Alors possible, celui qui a écrit l'article a mis par précaution le mot possible entre guillemets. Hein, possible, c'est déjà pas tellement affirmatif, hein, mais bon voilà. L'agence, ah, mais il faut être prudent quand on travaille dans un journal, si on veut garder son boulot. En ce moment c'est dangereux, Monsieur Macron, ses sbires, il veille au grain. Hein, celui qui fait un pas de côté dans une entreprise quelconque. Il risque gros. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a alerté vendredi sur les risques pour la santé causés par les champs électromagnétiques, notamment chez les enfants et les femmes enceintes exposées. Iran, États-Unis, à 10 minutes de la guerre. Les tensions entre les deux pays restent très élevées. Donald Trump, tenant compte en premier lieu de son agenda intérieur et électoral, a affirmé hier avoir annulé à la dernière minute les frappes contre l'Iran. Eh oui, bravo, mais si un jour on a une guerre mondiale, ce sera peut-être à cause de lui. Et parce que, ben oui, d'abord, c'est une guerre mondiale, ça commence une guerre entre deux pays, petits parfois, peu agressifs, mais quand même, et puis, mais ils ont des alliés. Et les alliés se joignent, etc., etc. Et progressivement, ça fait une guerre régionale très importante, ou même une guerre mondiale. On a déjà eu 2 guerres mondiales. La première a fait 8 millions de morts, la deuxième 60. Alors, vous voyez, si vous tracez une courbe, hein, 8, 60, hein, ça va, ça augmente très vite. Hein, parce que la deuxième guerre mondiale, on a utilisé la bombe atomique tout à fait à la fin. Hein, ah oui. Emmaüs, hors de question de laisser des gens dehors. Alors Emmaüs a été fondé dans les années 50 par l'abbé Pierre, il y a 70 ans, et c'était quelque chose qui devait durer que quelques mois, quelques années, comme les Restos du Cœur de Coluche. Ça ne devait durer qu'un temps, c'est-à-dire que le temps que le gouvernement fasse le nécessaire pour trouver une solution au problème, pour humaniser la vie dans cette société dans laquelle on vit. Hein. Et ben voilà, ça fait 70 ans que ça dure, et il n'y a toujours pas de solution. Hein. C'est grave ça. Les gens pour qui on a voté, eh bien, ils nous ont bien trahis. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la rumba. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. La sopa sin vaso la rumba la rumba la rumba la. Y la sopa sin vaso la rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba bam. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y las tropas invasoras rumba la rumba la rumba bam. Y a las tropas invasoras rumba la rumba la rumba. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba bam. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba bam. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.